Il n'incombe au messager que de transmettre le message. Et Allah sait ce que vous divulguez, tout comme ce que vous cachez.